Grand Est, Je t'aime en musique, avec Hélène Ingret. Bonjour auditrices et auditeurs de Je t'aime en musique. Alors, bien sûr, le Je t'aime, eh bien, c'est, je vous aime aussi, et je l'aime aussi, le Grand Est, et puis le restant de la planète, et Je t'aime, c'est T-H-E-M-E. Et le thème de ce mois est donc, c'est en mars, et qui dit mars, alors, je ferai également les femmes à une autre période pour le mois de mars, mais là, ce mars de 2020, eh bien, c'est tout simplement l'alcool. Et oui, parce qu'en mars, il y a le 17 mars. 17 mars, c'est la Saint-Patrick. Alors, le thème de l'alcool, je pourrais presque le décliner, quelles que soient les grandes manifestations collectives. À commencer par la fête de la musique, qui tourne en France quasiment à la fête de la bière, outre-Rhin. Eh bien, le 17 mars, je me suis dit, c'est la Saint-Patrick, effectivement, c'est le patron de l'Irlande, un pays très musical. Mais quand on fête la Saint-Patrick en France, ben c'est notamment dans les cafés, dans les pubs, dans des pubs où notamment on boit de la bière, mais pas que de la bière d'ailleurs. Et c'est vraiment la Saint-Patrick, eh bien, une manifestation alcoolique, entre guillemets, de convivialité, etc. Et c'est le grand problème et paradoxe de ce produit. Parce que d'une part, c'est vraiment, il y a Dr. Jekyll, Mr. Hyde, c'est-à-dire que la médaille d'un côté et puis de l'autre, et parce que d'un côté, effectivement, il y a ce côté festif, ce côté plaisir, et puis d'un autre côté, c'est un produit qui est maintenant quand même, il a fallu du temps, considéré comme une drogue dure, au même titre que les drogues dures, puisque c'est également un produit addictif. Alors, selon qu'on en est d'ailleurs homme ou femme, selon qu'on est dans son déroulé de la vie, on le supporte bien, puis à un moment donné, on tombe, entre guillemets, dans l'addiction. Eh bien, c'est aussi cet aspect-là qu'il a fallu que je trouve un peu dans les morceaux musicaux, la douzaine de morceaux que je vous ai choisis, concoctés. Il y a notamment l'aspect festif qui apparaît, en sachant que cet aspect beaucoup plus dommageable, qui fait des dizaines de milliers de morts en France, ces dizaines de milliers de morts sont d'autant plus augmentées si le gouvernement actuel et déjà les précédents, pour aller vite, un gouvernement de droite, droite tout ou centre droit, droite tout aussi, accentue la déréglementation qui avait été timidement impulsée avec ce que l'on dit la loi Evin. La loi Evin qui était tout simplement, a été faite au moment des gouvernements du PS pour diminuer la pression qui est faite par les groupes de pression justement des grands industriels qui tirent leur profit majeur par rapport à l'alcool, au même titre d'ailleurs que le tabac, qui fait donc c'est en tout de l'ordre de centaines de milliers de morts, tabac, alcool confondus en France. Pour limiter cette pression, notamment par le biais de la publicité qui était interdite ou fortement limitée, publicité en direction de tout public et notamment du jeune public. Parce que si vous avez des personnes qui meurent à cause de l'alcool, il faut renouveler le cheptel de clients. Et donc, il faut s'adresser davantage à la jeunesse, voire aux très jeunes, avec effectivement cette incitation à boire des boissons qui vous rendent beaucoup plus rapidement addict et qui surtout pérennisent cette clientèle qui leur permet de faire des profits. Et actuellement, on assiste donc d'une part à quasiment une absence de plan de prévention par rapport à ce produit en France, et d'autre part, eh bien, on assiste aussi au détricotage donc de cette loi Evin qui fait à nouveau fleurir dans toutes nos vallées et dans toutes nos villes, eh bien, ces publicités en direction d'ailleurs essentiellement pour beaucoup en direction d'alcool fort. Alors qu'on mélange bien sûr avec quelques petites boissons sucrées, et comme ça, les bulles, le sucre en plus augmentent à nouveau cette capacité d'alcool de monter au cerveau et d'y rester. Et puis après de dégouliner le ruissellement. Alors ça au niveau de l'alcool, ça marche, le ruissellement dans toutes les parties du corps. Y compris les parties intimes. Et donc, mais pas d'une façon positive, hein, qu'on se trompe pas. Donc en fait, il faut savoir, après, je terminerai cette introduction, il faut savoir que toute société a besoin d'une soupape de sécurité, histoire de lâcher la pression. Et dans la culture occidentale, judéo-chrétienne, donc d'ailleurs le sang du Christ, enfin pour ceux, en termes de culture générale, eh bien c'est lié au vin, c'est lié à l'alcool. Tout ce bassin méditerranéen de ce côté-ci de la Méditerranée. Donc l'alcool, effectivement, est légal et autorisé. Et donc, dans d'autres sociétés où ce sont d'autres produits qui sont tolérés, eh bien, l'alcool est prohibé. Hein. Donc, en fait, c'est pas une histoire de morale, c'est simplement qu'une société tolère un produit addictif dont les conséquences sont majeures en termes de milliers de morts, mais simplement pour permettre de faire sortir la pression qu'on peut ressentir aussi bien dans le travail, dans sa vie privée, dans sa vie de citoyenne. Et mieux vaut des gens qui sont dans des états de délabrement extrême plutôt que d'avoir des personnes qui effectivement essayent de modifier le système qui bénéficie à une minorité au détriment de la majorité. Donc, tout cela, alors c'est pas toujours machiavéliquement pensé comme tel, mais en fait c'est ainsi que ça fonctionne, donc qu'on en soit bien conscient. Donc c'est évident qu'effectivement, au niveau de la consommation d'alcool, eh bien, il y a le côté festif. Et puis, c'est David Vincent. Alors, il y aura deux morceaux. Un morceau bref, c'est un peu une espèce d'introduction. Et d'ailleurs, c'est « Lève ton verre, camarade ». Alors, camarade avec un K, hein, parce que le côté communiste, voilà. C'est une parodie un peu quand même. « Lève ton verre, camarade » de David Vincent, suivi, bien entendu, de son célèbre « Marée basse ». Ben puisqu'on a fait une belle chanson, maintenant on va faire une chanson un peu plus naze. Mais sur laquelle au moins tout le monde il peut chanter, s'égosiller et boire des coups et lever son verre de bière en le secouant et en foutant partout de mousse sur son voisin. On voit souvent ça hein, dans les concerts un peu quand même. Surtout sur cette chanson-là en particulier. Alors que ceux qui ont leur verre le lèvent. Alors vous allez le vider tout de suite. Et le secouer dans tous les sens une fois qu'il est vide. Attends, il y en a qui lèvent la main, c'est qui veut l'inverse, hein, je crois. Alors, allez, on bascule, ouais. Et vive les pucks. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Alors, attention. Je vous donne le départ et puis après, rendez-vous au tas de sable. Je ne sais pas pour vous, mais pour ce qui est de moi, faudrait que je boive un coup, hey, oui, tout n'importe quoi. Ah, de l'enfer. Pavarotti, sort de mon corps. De l'enlèverait de près. Hey, j'ai besoin de picoler. Mais qu'on ne me serve pas du jus de fruits ou de la flotte. surtout pas coca. Je tiens trop à ma gueule, pas trop la barre est basse. Mais moi, moi, la petite sœur, j'ai le gosier qui se passe. Et tout ce qu'elle aura. David Vincent, voilà, il applaudit très très fort et il demande qu'on s'applaudisse. Et il demande aussi la petite sœur. Ah oui, la petite sœur, c'est quand on redemande la même tournée, donc au patron de bar, passe-moi la petite sœur. Eh bien, la petite sœur, justement, eh bien, vous allez l'entendre, qui nous interprète tout simplement la petite sœur. Complètement noir. J'ai du pétrus, mais elle est bien plus généreuse. Elle nous fait rentrer très vénus. Chaque fois qu'on voit le cul de la serveuse, à force on a les lèvres toutes frimées, comme les doigts après un bon bain. Et quand il s'agit d'aller jouer, on a les dents comme un clavecin. Et te voici dans un éclair bloc accroché à la tireuse. La petite sœur, ça sonne comme un clairon quand on gueule aux oreilles du patron. La petite sœur, je crois bien qu'on savait le dire, bien avant qu'on nous apprenne à lire. Aïe patron, mets-nous la même ce soir. On t'emmène en voyage, tu peux jeter clé de ta BM. On va te faire voir du paysage. 1, 2, 3 ou peut-être 4 accords. Un peu bancal vu notre état, mais au moins ce sera plus raccord. Avec les paroles qu'on chantera. Et si on a des trous, c'est pas grave, on sait bien que tu les combleras avec un bon petit code de grave ou bien alors une petite vodka. Et si jamais on périclite, t'inquiète, on continue à jouer. Car c'est pas la mort ni la cuite qui nous empêcheront d'avancer. La petite sœur, la petite sœur, la petite sœur. La petite sœur, la petite sœur, la petite sœur, ben on va t'en prendre une. C'est pas soir que tu vas faire fortune. Allez. les patrons, fais-nous la même. Mais cette fois-ci, sans les grumeaux, ta picrate, c'est tout un poème. Mais pour le slip, c'est pas un cadeau. Ouais, c'est pas grave, nous on s'en fout. On est des vrais aventuriers, on avancera, ouais, jusqu'au bout. Même s'il faut faire le reste à pied, on explorera le bout du monde sans passer la porte du bistrot. Avec un rhum et une macmon, et puis on inventera des mots. La petite sœur, ça sonne comme un clairon quand on gueule aux oreilles du patron. La petite sœur, je crois bien qu'on savait le dire bien avant qu'on nous apprenne à lire. Allez patron, mets-nous la même, la dernière, il faut qu'on s'en aille, parce que c'est pas le tout, mais quand même, ici on a qu'on a travail. Allez gros, torche ton verre, demain je me lève à 8h. Oh, tu vas pas faire comme hier, reprends plutôt la petite sœur. Tu vas pas faire ta petite bite, bah qu'est-ce qu'on va te donner? Ok, mais après, ouais, je fais la mienne. Mais je fais que tu veux écoler. Ouais, faut trouver ça, puis la mienne, ça pourra se passer. La petite sœur. La petite sœur. La petite sœur. La petite sœur. La petite sœur. La petite sœur. La petite sœur, bah on va t'en prendre une. Mais sur l'ardoise, parce qu'on en prend une thune. Salope de petite sœur, on était juste dû faire cucu. Et puis nous voilà, pas d'heure à faire le retour à genoux. La moralité de cette histoire, c'est que quand tu commandes à boire, éloigne-toi vite du comptoir avant que la petite sœur vienne te voir. La petite sœur, à la salope, il faut voir comme elle te chope. La petite sœur, elle fait mal à la tête, malgré ses airs de fillette. La petite sœur, la petite sœur. Bien sûr, bien sûr, c'est le problème aussi avec l'alcool, c'est qu'effectivement, on ne maîtrise pas trop le calendrier ni les horaires. Eh oui, et puis, on continue la petite sœur, ben là, c'est une grande sœur. Eh bien, les Bredeleurs l'appellent tout simplement Greta, c'est les Bredeleurs. Installé bien sagement derrière ces tireuses, on se serait tous battus pour la rendre heureuse, suscitant à chaque geste nos désirs charnels. Nous on était là rêvant de se faire la meule. Ouh, Greta, on aime quand tu nous mates comme ça. Tire bien à fond sur le levier, que la bière puisse enfin couler. Accroche-toi à ton godet, car ce soir tu vas vibrer. Ouais Greta, tu nous en fous, pourtant on se mettrait tous à genoux, à genoux, à genoux. Quand la miss arrive, elle sait nous mettre à l'aise, s'obligeant à ne regarder que ses yeux. Elle était là rêvant d'être au milieu. Greta, on aime quand tu nous sers comme ça. Viens partager les plaisirs de l'ange, laisse couler la bière dans ta gorge. Accroche-toi à ton donner, car ce soir tu vas vivre. Ouais Greta, tu nous en fous, pourtant on se mettrait tous. Accroche-toi à ton gonnet, car ce soir tu vas vivre. Ouais Greta, tu nous en fous, pourtant on se mettrait tous. À genoux, à genoux. We'll be right back. se mettrait tous à genoux. Accroche-toi à ton grenier, car ce soir tu vas vibrer à genoux. L'état, tu nous rends fous, pourtant on se mettrait tous à genoux. Accroche-toi à ton grenier, car ce soir tu vas vibrer à genoux. L'état, tu nous rends fous, pourtant on se mettrait tous à genoux. À présent, c'est donc Florent Patenotte, plus communément connu avec les autres musiciens qui l'accompagnent, sur, comme Flo & Co. Donc Flo, F-L-O, plus loin N, apostrophe, Co, C-O et compagnie. Flo & Co, eh bien, qui nous interprète, ben moi je vais dire un peu, voilà, un titre en quelque sorte sur cette nouvelle création. Eh bien, patron, un ordinaire. Allez, patron. Un ordinaire comme moi, oui, un ordinaire. Il a de la gueule, ton comptoir. Laisse-moi donc lui faire honneur. Il a un ordinaire comme moi et un ordinaire. Je vois le cul de tes bouteilles et au diable l'heure du leurre. Mais tout il faut que je les essaye, que je les dépucelle sur l'heure. Allez, patron, patronne, un ordinaire comme moi, oui, un ordinaire. Voyez ma santé, pourtant bien, comme un docteur, je te réserve chaque gorgée. Paraît que je suis comme un docteur. Allez, patron, patronne, un ordinaire comme moi, lui un ordinaire. Et mec, une tournée générale, je te la siffle à moi tout seul. Sans repose note mon général, et moi tout seul, tout seul, tout seul. Et mec, une tournée générale, je te la siffle à moi tout seul. Sans repose note mon général, et moi tout seul, tout seul, tout seul. On n'est pas trop. C'est pas un verre de trop qui me fera déborder l'ardoise. Et moi je prends pas la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est pas un verre de trop mais qui me fera déborder l'ardoise. Allez, patron, patronne, un ordinaire comme moi. Yeah, buddy. Et donc, ben voilà, dans les, dans ces, ces productions, ces créations de, eh ben, j'ai eu du mal de trouver quelque chose qui soit audible par tout public. Hein. Et oui, il s'agit de Raymond. Raymond court toujours. Allez, eh ben, le Raymond court toujours. Et là, c'est audible par tout public. On va dire, oui, enfin bon, ben, comme, mais même s'ils ont toujours du mal à ne pas se lâcher, eh bien, c'est tout simplement, il n'y a plus de canettes. Il n'y a plus de canettes dans mon frigo. Il n'y a plus de canettes. Qu'est-ce qu'on va voir à l'apéro? Y'a plus de canettes dans mon frigo. On n'a pas le choix, faut aller au bistrot. Retour du bistrot, un gros verre 11h du matin. On veut prendre l'apéro, malheureusement il reste plus rien. Toutes les cales sont si sèches que le navire va couler. À Dark ma maison, bah c'est bon un bateau. Y'a plus de canettes dans mon frigo. Y'a plus de canettes, qu'est-ce qu'on va boire à l'apéro? Y'a plus de canettes dans mon frigo. On n'a pas le choix, faut aller au bistrot. Il faut descendre à quai, le pauvre il a vraiment pas de chance. Nous on doit picoler, on a besoin de remplir nos ponces. On arrive dans un bar, décidé à vider nos bourses. Mais comme on n'a plus de thunes, on va faire ça au chien. Y'a plus de canettes dans mon frigo, y'a plus de canettes. Qu'est-ce qu'on va boire à l'apéro? Y'a plus de canettes dans mon frigo. On n'a pas le choix, faut aller au bistrot. On n'a plus de thunes en poche, on va peut-être aller à l'église pour y braquer des vieilles et même niquer Marie-Élise. Si on trouve pas de pognon, on ira boire le sang du Christ. Avec un sang comme ça, j'espère au moins qu'il conduit pas. Y'a plus de canettes dans mon frigo. Y'a plus de canettes. Qu'est-ce qu'on va boire à l'apéro? Y'a plus de canettes dans mon frigo. On n'a pas le choix, faut aller au bistrot. Jésus il est sympa, il nous a bien bourré la gueule. Une cirrhose de la foi nous est venue d'un coup d'un seul. Ça nous a fait très peur. Alors, on est rentré chez nous. Mais au bout d'un quart d'heure, y'a plus de canettes dans mon frigo. Y'a plus de canettes, qu'est-ce qu'on va boire à l'apéro? Y'a plus de canettes dans mon frigo. On n'a pas le choix, faut aller au bistrot. Y'a plus de canettes. Donc, c'était le Raymond, là. Et là, c'est un peu la version vosgienne, hein, puisque c'est un groupe des Vosges qui au tribote et qui nous interprète justement un medley vosgien. Mais alors, le medley, ben, bien sûr, à la radio, ça ne s'entend pas. Ce n'est pas uniquement un mélange de différents thèmes musicaux. C'est, pour eux, c'est medley, c'est MED'LAIT. Eh oui, eh oui, on est dans les Vosges. Medley à la vosgienne. Les medley vosgiens. Et ce sont les co-tribotes. Les pauvres hommes ont bien du mal. Et les femmes trouvent ça normal. Qu'ils travaillent dès le matin jusqu'à se briser les reins. Et de retour à la maison, elles leur flanquent des coups de bâton. Et de retour à la maison, elles leur flanquent des coups de bâton. On ne trouve le temps pas long, surtout quand le vin est bon. Nos femmes sont à la maison, elles y mènent le carillon. Et nous qui sommes au cabaret, il faut pas nous chagriner. Et nous qui sommes au cabaret, il faut pas que nous fâchions la yette. En revenant du cabaret, entre la porte fermée, à la fête des photoquets, si dehors tu veux me marcher. Catherine, Anne-Marie, ouvrez-moi, je vous en prie. Catherine, Anne-Marie, ouvrez-moi, je vous en prie. De la fenêtre, on vous répond. Vous c'est les filles, c'est les filles des grandes soldates qui faisaient, veiller au pays. C'est les filles, c'est les filles, c'est les filles des grandes soldates qui faisaient, veiller au pays. Ma féchotte, ma féchotte m'a mis au feu. Belle histoire, venez sur ce feu de joie. Ma féchotte, ma féchotte m'a mis au feu. Belle histoire, venez sur ce feu de joie. Shibali, Shibala, on dit qu'elle est malade. Shibali, Shibala, on dit qu'elle en mourra. Shibali, Shibala, on dit qu'elle est malade. Shibali, Shibala, on dit qu'elle en mourra. La dernière musique, c'est toujours même le silence. C'est encore de la musique chez les Cotribotes et on reste dans cette même ambiance musicale avec les Cutrempés. Les Cutrempés, mais là, qui nous interprètent. Donc, c'est au mieux, hein, parce que souvent, ça endort pas et ça rend même peut-être violent. Hein. Beaucoup de violences conjugales sont sur un fond d'alcoolisation. Et donc, eh bien là, pour le coup, c'est tout ce qu'on lui souhaite au minimum, le bon vin Mont-d'Or. L'amour me réveille. cul trompé, avec Diego Palavas qui nous interprète « À ma bouteille, à Marie ». Eh bien là, c'est pas tout à fait la même ambiance musicale, Diego Palavas. Ma moitié m'a scié, elle m'a laissé tomber, je crois qu'elle s'est barrée avec la caisse. Yeah, oh, yeah, yeah. Mon ami m'a matraqué avec brutalité, puis on s'est séparé sans se laisser d'adresse. Yeah, oh, yeah, yeah. Ma chérie, je renais ce que j'ai tant aimé, je serai conforté dans les bras de l'aînesse. Yeah, oh, et donc pour la suite de cette émission Grand Est, je t'aime en musique, et bien consacrée donc à l'alcool, à ce produit alcool dans le cadre de cette émission Grand Est, je t'aime, THEME du mois de mars 2020, eh bien, je vous propose, ben là, c'est un tout petit peu, vers un tout petit peu la descente aux enfers, parce que je pense que la réalité est nettement, nettement plus dramatique. Eh bien, c'est tout simplement, c'est plus que simplement, artistiquement exprimé, Jacques Simard qui a Jacques Simard, ce sera ensuite Jacques Simard qui nous interprétera Ivresse, et auparavant ce sera Fabergo qui nous interprète Mauvais Voyage. C'est juste un horizon là où tu t'éloignes. Tu ne le vois pas, mais c'est lui qui t'empoigne comme un bras d'honneur à l'infini. Et tu pars comme pour tout cicatriser, que toutes tes douleurs se soignent. Et tu pars pour ne pas être aseptisé avant que la folie ne te gagne. Tu cherches l'utopie, tu en as assez de faire la toupie. Dans tes directions y'a des rêves idylliques, même si ce sont des espoirs éthyliques. Tu n'es plus très sûr être un aventurier, plutôt un aventuré. Ton état révèle tes pulsions alitées, mais ça fait longtemps qu'il n'y a plus de réalité. Tu cherches à prier pour être un homme entier, un peu moins détamisé. Tu cherches à pallier tout ce manque à gagner, car tu sais qu'aujourd'hui tout pourrait arriver. Par la main m'enlever à mes ennuis, une histoire sans lendemain, une prise en otage de mon esprit volage. Véritable maîtresse, mieux qu'une histoire de fesses, ivresse. J'ai goûté l'expérience et j'suis rentré dans la danse, un dérèglement d'essence, moi. J'suis accro à la transe, j'suis le junkie malheureux, désormais amoureux. Vous me tenez en laisse, à vos ordres, votre Altesse, ivresse. Le vice de vos charmes a su assécher mes larmes pour figer un sourire sur ma gueule en délire. Mais vous, cela savoir m'ôter mon désespoir. Vous connaissez mes faiblesses, toutes mes maladresses, ivresse. Compagne malsaine, vous coulez dans mes veines en dans mon foie et mon cœur à la fois. Délicieuse maladie, agréable folie. Je vous supplie, déesse, je ne veux plus que cesse l'ivresse. S'attaque à mon intégrité, vous pardonnerez mes offenses. Emportez-moi dans le silence, mais à quoi bon mourir vieux pour vivre malheureux? Épargnez ma vieillesse, emportez ma jeunesse, ivresse. Prendre par la main. Et c'est donc, Jacques Simard qui nous propose justement cette dépendance, colocation entre l'alcool et nous. Et là, c'est Phrasiac aussi qui a cette colocation, on va dire un peu plus supportable et positive, à ce niveau-là, donc pour Phrasiac, et tout simplement, il le revendique, on va le dire comme ça, dans son morceau, il le revendique, c'est tout simplement interprété par Phrasiac, donc ivrogne et pourquoi pas. Ivrogne, c'est un mot qui nous vient de province et qui ne veut rien dire à Tulle ou Châteauroux. Mais au cœur de Paris, je connais quelques princes qui sont, selon les heures, archanges ou loups-garous. L'ivresse, ce n'est jamais qu'un bonheur de rencontre. Ça dure une heure ou deux, ça vaut ce que ça vaut. Qu'il soit minuit passé ou 5 heures à ma montre, je ne sais plus monter que sur mes grands chevaux. Ivrogne. Ça veut dire un peu de ma jeunesse, un peu de mes 30 ans pour une île au trésor. Et c'est entre Pigalle et la rue des Abbesses que je ressuscitais quand j'étais ivre mort. J'avais dans le regard des feux inexplicables et je disais des mots 100 fois plus grands que moi. Je pouvais bien finir ma soirée sous la table. Ce naufrage, après tout, ne concernait que moi. Ivrogne. C'est un mot que ni les dictionnaires, ni les intellectuels, ni les gens du gratin ne comprendront jamais. C'est un mot de misère qui ressemble à de l'or à 5 heures du matin. Ivrognier, pourquoi pas? Je connais 100 fois pire. Ceux qui ne boivent pas, qui baissent par hasard, qui sont moches en troupeau et qui n'ont rien à dire. Venez boire avec moi, on s'ennuiera plus tard. Ivrognier, pourquoi pas? Je connais 100 fois pire. Ceux qui ne boivent pas, qui baisent par hasard, qui sont moches en troupeau et qui n'ont rien à dire. Venez boire avec moi, on s'ennuiera plus tard. Ivrogne. Et pourquoi pas? Eh oui, et quand il dit « ça ne concerne que moi », c'est pas tout à fait vrai. Et en gros, de façon un peu globale, quand une personne est sous la dépendance de l'alcool, ça touche 7 à 8 personnes de son entourage. Et que ça soit effectivement, d'une part, les conjoints, les compagnons, les enfants, et puis toute la famille, alors les collègues, quand ils Il s'agit aussi d'applications sur le lieu de travail. Et puis également la famille, les parents, les frères et sœurs. Des personnes adultes par rapport à neveux et nièces, par rapport à un voisinage aussi. Donc en fait, c'est beaucoup, beaucoup plus de personnes qui sont concernées quand effectivement une personne passait le cap du déni, c'est-à-dire où, le cap où on ne veut pas voir qu'effectivement on est sous cette dépendance du produit, que ce n'est pas uniquement le plaisir qui dicte le fait de consommer, non pas de boire. Boire, c'est tout simplement boire, quand on dit quelqu'un boit. Et non, il s'hydrate quand on boit de l'eau. Quand on consomme de l'alcool, on consomme de l'alcool. On boit de l'alcool qui est un produit qui a toujours d'ailleurs le dernier mot. Il faut faut pas croire qu'on sera toujours, qu'on sera plus fort que le produit. Si on, notre organisme, sur le plan physique ou psychique, s'inscrit dans la dépendance et dans le besoin, eh bien, c'est le produit qui aura gain de cause. Et avec toutes les inégalités qui nous surplombent, les inégalités entre les sexes et ce produit est encore beaucoup plus important. Dans l'émission que je ne peux que vous recommander, sur France Inter du lundi 13 janvier 2020, dans l'émission Grand Bien Vous Fasse, hein, qui passe donc sur cette radio nationale, public, merci le service public de faire ce type de production et qu'on leur maintienne les moyens pour pouvoir toujours continuer à le faire. Grand Bien Vous Fasse qui passe donc en semaine de 10h à 11h qui est bien sûr largement audible en podcast en allant sur France Inter. Donc France Inter, émission Grand Bien Vous Fasse du lundi 13 janvier 2020. Et bien c'était notamment consacré à la dépendance alcoolique et les femmes, avec aussi des associations, des médecins qui étaient présents, des patients experts. Hein. Il y a des personnes, effectivement, même si elles sont dépendantes toujours depuis un certain nombre d'années, elles se définissent comme malades alcooliques, abstinents, hein, puisque dès qu'on reprend, ne serait-ce qu'une petite, toute petite quantité, de toute façon, à nouveau, la dépendance s'active. Hein. Donc, on n'est pas, entre guillemets, guéri comme d'une mauvaise grippe. Non, quand effectivement le corps déjà physiquement et ensuite psychiquement et dépendant, eh bien, très peu d'alcool permet de réactiver le processus. Mais c'était une émission qui donnait beaucoup d'espoir parce qu'en disant, il faut faire des fois plusieurs phases de décontamination, quelque sorte, de sevrage, parce que des fois, c'est vraiment nécessaire d'en faire beaucoup, plusieurs fois, et après, ce ne sont pas des échecs, c'est pas une rechute. À chaque fois, on a quand même un peu grimpé une marche pour permettre d'être à nouveau libre par rapport à ce produit. Donc, je ne peux que vous conseiller cette émission. Il y en a d'autres, hein, vous pianotez et vous retrouverez d'autres émissions. Simplement, il se trouve qu'au moment où j'enregistre cette émission, c'était une heure avant, je mets la radio et c'était France Inter, Grand Bien Vous Fasse, consacré à l'alcool et notamment plus en direction des femmes qui sont, je retiens une de leurs expressions, victimes au carré. Parce qu'elles sont non seulement victimes comme aussi les hommes de la dépendance alcoolique, mais en plus, elles peuvent être violées, elles peuvent être agressées, et leur parole est beaucoup moins crédible dans la mesure où elles sont dépendantes alcooliques, notamment quand elles vont porter plainte, par exemple. Alors, vous avez pu d'ailleurs constater que dans cette émission de Grand Est, je t'aime en musique, THEME, du mois de mars 2020, consacrée donc à l'alcool, eh bien, il n'y avait que des hommes qui se sont exprimés. Eh oui, il n'y a que des hommes. Il y a davantage d'ailleurs d'artistes hommes, de toute façon, sur le Grand Est et ailleurs, que de femmes. Mais en plus, sur ce thème, il y avait 11 hommes sur 12. Et là, c'est notre invité hors Grand Est, qui est Maggie Boll, hein, qui nous interprète donc l'Abreuvoir. Il y a également donc que les radios associatives, on va dire, hein, sauf exception, qui vous passent des morceaux qui sont supérieurs à 3 minutes. Celui-ci fait 6 minutes 15. Donc merci aux radios associatives de le faire. Merci donc à Radio Guémouzeau, hein, qui est donc une radio sur le Grand Remiremont dans les Vosges, radio donc où vous pouvez d'ailleurs retrouver sur leur site www.radiogamozo.eu ces différentes émissions Grand Est, je t'aime en musique. Donc j'appelle le site radio, bon je vous l'appelle pas, allez je vous l'appelle RADIO puisque tout est attaché, hein, GUEMOZOT .eu, où vous pourrez retrouver donc ces émissions Grand Est, je t'aime en musique. Et merci également à l'IA pour son assistance technique ô combien précieuse. À bientôt dans une prochaine émission. Je t'aime, Grand S, je t'aime en musique. Et puis le mois d'avril, eh bien, justement, ça sera consacré au Grand S en question. Allez, on se quitte avec Maggie Ball. Avec l'abreuvoir, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est effectivement le sous-titre de cette émission. C'était à consommer avec modération le produit, mais pas l'émission et pas justement les émissions de ces radios associatives. Allez, Maggie Ball, à bientôt dans un autre Grand Est, je t'aime, en musique. À la viande sous qui chante, qui roule et qui rampe dans son lit. Je sais ce que c'est, je compatis. Ça commence juste par un verre pour fêter la fin de la journée. On se retrouve entre compères, par exemple, passagers. On allait justement partir, comme par hasard on voit rentrer le Thierry qui vient de finir une longue journée. Comme on est bien content pour lui et qu'on est assez solidaire, on accepte sans contrepartie qu'il nous paye une petite bière. Quand il est plein, je le vide. Et puis quand il est vide, je le plains. Je vais encore pas rentrer limpide. Abreuve-nous, cher tavernier. Il commence par faire un peu soif. Ici c'est pas le désert, tu sais. Prenez-nous donc vite quelques carafes. Allez. Bon, je préviens, je vais pas rester longtemps hein. J'ai promis à mon mari que je rentre à la maison. Sors les gosses et tout, ils m'attendent là. Pour une bière et je vis, juste une. On en profite pour se lâcher. On se relaxe le cerveau. Pour certains c'est pas compliqué, vu qu'il fonctionne jamais de trop. Comme on est des potes, on se dévoue. Pour tous attendre le bembouli. Le yo nous repaye. C'est du whisky. Ça va être l'heure de s'esquiver discrètement sans aucun bruit. Putain, à peine le temps de se lever. Voilà que rapique le vieux bille. Alors lâchez par expérience que ce sent le traquenard plein pot. On va encore finir Byzance, la gueule en vrac dans le cas. Maintenant qu'on est bien imbibé, qu'on a plus Dieu en face des trous, le patron nous paie sa tournée, histoire que l'on reparte à genoux. Pour qu'on reste un peu plus longtemps, il met la tournée qui va bien. C'est bizarre, mais c'est souvent la dixième en partant de la fin. Devenir tous un peu trop cons, à préparer doucement le carnage. Parce que nous, quand on est pinche-trac, on se met à danser sur les tables. Tout à coup, la chaise m'attaque. C'est tout à fait inacceptable. Tu vois le verre qu'il y a dans ma main. Et ben quand il est peint, encore pas rentré la vie. Abreuve-nous, cher tavernier. Il commence par faire un peu soif. Ici, c'est pas le désert, tu sais. Va donc remplir quelques carafes. Une petite là, et pas chiche la vie et des autres, et autres. On pouvait pas se quitter comme ça, depuis le temps qu'on t'était point vu. Même si c'était hier, ça se fait pas de se barrer comme des malotrus. Mais va falloir rentrer chez nous, puis expliquer à notre mari, nos femmes, nos gosses, puis ceux du dessous, d'où c'est qu'on a passé la nuit. Abreuve-nous, chère tavernière, il continue par faire très soif. Ici, c'est pas le désert, on a eu peur que ce soit le désert. Et hey, nous l'ont été qu'il n'y a pas. Et vas-y, éternue. Ouais, et moi, j'en peux plus la rage. J'ai une bonne. Hein. Alors là, promis, j'arrête de promettre que je promets. Fini.